près de chez moi une école de filles me fait doki doki. Là-bas il y a une fille qui bosse qui s'appelle Yui. C'est une seconde année. C'est une seconde année. Un petit peu maladroit. Un petit peu maladroit. Elle a une jolie voix et elle joue la guitare. Elle a une petite sœur. Elle a une petite sœur. Qui fait la grande sœur. Et elle est un peu cante mais c'est pas grave. Ah, Kamisama, oui, dis-moi, est-ce vraiment possible d'être amoureux de cette façon-là? De cinq nanas qui jouent du rock comme des dingues, est-ce de l'amour? Je crois que oui. J'suis leur fan, j'suis leur fan, j'suis leur fan, j'suis leur fan, j'suis leur fan. Dans ce groupe, il y a aussi une brune qui s'appelle Mio. Elle est ultra timide et elle fait de la basse comme Lenny. Ritsu, c'est la batteuse. Ritsu, c'est la batteuse. Elle est survoltée. Elle est survoltée. Sa frange qu'elle relève, ça me fait rêver. Tsumugi au synthé. Tsumugi au synthé. Elle est blonde à croquer avec ses sourcils broussaillés. Ah, Kamisama, oui, dis-moi, est-ce vraiment possible d'être amoureux de cette façon-là? De cinq nanas qui jouent du rock comme des dingues, est-ce de l'amour? Je crois que oui. Azunian est venue en dernière. Elle n'était pas sûre de le vouloir. Et sans elle, le groupe ne serait pas ce qu'il est. C'est aussi pour ça que je l'aime. Oui, mais bon, ouais, c'est vrai, hein. Aimer une nana, ça va. Deux à la limite, et encore. Mais cinq à la fois, franchement. Bah, ménage à cinq, ça existe pas, quoi. Mais bon, quoi, j'ai beau me dire ça tout le temps. J'y peux rien, je les aime, les kiffes, tu m'en regardes. Ah, Kamisama, oui, dis-moi, est-ce vraiment possible d'être amoureux de cette façon-là? De cinq nanas qui jouent du rock comme des. Est-ce de l'amour? Je crois que oui. J'suis leur fan, j'suis leur fan, j'suis leur fan, j'suis leur fan, j'suis leur fan, j'suis leur fan. J'suis leur fan.